Merci d'avoir choisi la radio Isanganiro. Bonjour et à la une de ce journal. Le représentant du parti Ranak à Muramvya est dans les mains des services de renseignement à Bujumbura depuis hier. Cette information est du porte-parole de ce parti. La police burundaise a arrêté aujourd'hui 3 personnes à Gikungu en mairie de Bujumbura. Selon le tweet du porte-parole de cet organe, ces arrestations font suite à la saisie d'armes qui a été faite au ménage d'une de ces 3 personnes. Les sénateurs burundais exigent que les entreprises qui avaient la mission de construire le barrage hydro-agricole de Kajeke soient poursuivies par la justice parce que ces entreprises ont été défaillantes. Et à Muyinga, les représentants des usagers de la carte d'assurance maladie demandent que le niveau de revenu soit considéré pour la prise en compte de leur protection sociale. Vous aurez les détails avec un autre correspondant. La mise en onde est assurée par Elika Dogo. À la présentation, vous retrouvez Alida Ndaikeza. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bienvenue encore et commençons par la sécurité. 3 fusils de type Kalachnikov, 2 grenades et 801 cartouches et des lunettes jumelles ont été saisies ce matin par la police chez une certaine Ndayisenga Thérèse à l'avenue Nyarugongo, Gikungu 2, en mairie de Bujumbura. Le porte-parole de la police, Pierre Ngurikiye, via son tweet, fit savoir que 3 autres personnes ont été arrêtées et que les enquêtes sont en cours. Un enfant de 14 ans a été blessé par machette ce lundi sur la colline Munika 1 de la commune Rugombo en province Chibitoke. L'auteur de ce crime est un homme et il a été arrêté. Il a indiqué que cet enfant lui avait volé des patates douces dans son champ. D'après les informations données par la police dans cette province, cette affaire sera jugée dans une procédure de flagrance. Et plusieurs hectares de champs de riz, de manioc, de haricots sont déjà ravagés par un hippopotame qui vient de passer 3 semaines dans un grand fossé sur la colline Murengeza, commune Manda, en province de Bubanza. Les propriétaires de ces champs demandent aux chargés de l'environnement de récupérer cet animal très gardé par les forces de l'ordre. Le gouverneur de Bubanza explique que l'équipe du ministère de l'Environnement qui a essayé de dégager cet animal de ce fossé n'a pas réussi. Tarsis Niongabo ajoute que l'on est en train de voir d'autres techniques pour aider cet animal à retourner dans la Rusizi. Cela étant, les autorités locales sur la colline Muringa en commune Gihanga disent qu'il y a un autre hippopotame qui a mis bas dans un grand fossé où on est en train d'extraire du sable. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, les travaux de construction d'un barrage hydro-agricole de Kajeke qui irriguait les champs de la région naturelle de Limbo ont été temporairement suspendus parce que les entreprises qui avaient gagné le marché de construction de cette infrastructure ont été défaillantes. Lors des questions orales au Sénat en plénière ce mardi, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a expliqué qu'une commission a été mise en place pour identifier les causes de cette défaillance afin de relancer ces travaux. Certains sénateurs ont demandé que les entreprises qui avaient ce marché soient poursuivies. Eline Bell, Nibigira. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage lors des questions orales à la Chambre haute du Parlement en plénière. Il explique l'état d'avancement des travaux de construction d'un barrage hydro-agricole de Kajeke. Ce barrage était destiné à irriguer les champs de la plaine de Limbo et était en cours de construction sur la rivière Kajeke. Ce projet a commencé l'année 2009. Lors des questions orales pour répondre aux questions des sénateurs, Dogi Delulema, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, affirme que les travaux de construction de barrages hydro-agricoles de Kajeke ont été entachés d'irrégularités. Certains sénateurs ont voulu savoir le coût initial de ce projet et les dépenses déjà enregistrées pour ce projet. Monsieur le ministre, à combien était estimé le coût initial du projet? Deuxièmement, à combien s'élèvent aujourd'hui les dépenses réelles du gouvernement sur cette infrastructure en termes monétaires? Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage répond que ce projet était initialement alloué à 8 milliards, mais que plus tard, les dépenses ont atteint 12 milliards et demi. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Deogui Delulema, indique qu'après avoir remarqué les irrégularités, le ministère a décidé de suspendre ses travaux. Il ajoute qu'une commission technique qui relèverait les responsabilités dans l'échec de ces travaux a été mise en place. Visiblement, dit le ministre, cette infrastructure en cours de construction commence à s'effondrer. Certains parlementaires ont demandé avec insistance que les entreprises qui avaient gagné le marché de construction de ce barrage hydro-agricole soient poursuivies. Ce marché avait été octroyé à trois entreprises, BTCE, Etamco et Betco Pacifique. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage a besoin de 19 milliards pour relancer ce projet. Merci Eline Bell pour ces détails. Et le représentant du parti Ranak en province de Mourambia est en détention au service national de renseignement à Bujumbura depuis ce mardi. Affirmation du porte-parole de ce parti, Georges Nikiza, qui renseigne que Daniel Manirakiza a été arrêté à Gitega quand il allait rendre visite le président du parti au niveau national, lui aussi qui avait été arrêté lundi vers le soir, selon toujours le porte-parole. Daniel Manirakiza était aussi à Gitega avec d'autres cadres du parti, dont les représentants provinciaux à Gitega, même à Mourambia. Suivez Georges Nikiza, porte-parole du parti Ranak. Les circonstances de son arrestation ont été motivées par le fait qu'il y a les représentants du parti Ranak au sein de Gitega, de Mourambia et de Mwaro et les autres cadres du parti à Gitega. Ce sont rendus lors de détention du président du parti Ranak. Le président du Ranak a été arrêté la veille, c'était à 18h30 lundi, par la police. Il a été acheminé à la documentation de Gitega. Et les trois représentants provinciaux? Les trois représentants provinciaux, ils se sont rendus pour savoir ce qui se passe réellement. Ils ont été eux aussi arrêtés, questionnés sur le mobile de les déplacements, sur le lieu de détention. Heureusement, ils ont été relaxés, mais ce représentant du parti à Mourambia a été retenu. Il a été descendu à Bujumbura avec le président du parti Ranak. Et le président du parti Ranak a été escorté par le service de renseignement de Gitega et a été acheminé à la maison, sain et sauf, et tandis que le président du parti Ranak à Mourambia a été reconduit au service national de l'enseignement jusqu'à l'heure où je vous parle. Le président du parti au niveau national, pour être arrêté, il était accusé de quoi? Non. Donc il n'y a pas aucune accusation officiellement portée sur lui, à part que les questions qui ont été posées étaient relatives à ses activités politiques, tout simplement. Ou jusqu'à l'heure où je vous parle, le parti n'est pas au courant du mobile de son arrestation de ce lundi, le 26 mars 2018. Sinon, le même président au niveau national, il s'était rendu à Gitega pour des affaires du parti ou personnelles? Il avait perdu sa grand-mère. Ses funérailles étaient prévues qu'ils soient déroulées ce mardi. Lorsqu'ils étaient dans les préparatifs de rassembler le matériel pour les funérailles, il a été arrêté par la police. Donc, il était sur les affaires familiales. Arrestation du président du parti au niveau national et des représentants au niveau provincial, dont celui de Mourambia qui est toujours en détention. Vous ne vous accusez de rien? Le parti Ranak ne s'accuse pas d'aucune faute, d'aucune accusation. Et pourquoi? Parce que le Ranak, c'est un parti régulièrement inscrit selon la loi burundaise comme parti politique. En deuxième temps, nous avons toujours dit que nos travaux, nos activités politiques doivent être effectuées après avoir informé l'administration. Donc, à l'heure où je vous parle, le parti Ranak ne s'acquise de rien. La détention du président, du représentant légal, le représentant du parti à Mourambia, il est au service national de l'enseignement à Bujumbura. Nous ne savons pas si son arrestation est liée à celle de président ou c'est finalement des causes privées. Nous attendons à ce que la justice ou la police puisse éclaircir et tirer les choses au clair afin de connaître les mobiles de son arrestation. C'était Georges Nikiza, porte-parole du parti Ranak. Et la radio Isanganiro est en train de chercher le porte-parole du ministère de la Sécurité publique pour qu'il s'exprime à ce sujet. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le journal continue sur la radio Isanganiro et vous saurez que l'environnement est aujourd'hui menacé par les activités humaines comme l'extraction des minerais, l'exploitation inappropriée des carrières dans les rivières qui traversent la mairie de Bujumbura et les constructions en désordre dans la mairie de Bujumbura. Ce sont les propos tenus par Salvatore Sabimana dans un atelier d'échange sur la protection de l'environnement avec l'administration locale ainsi que les associations œuvrant pour la protection de l'environnement et c'était ce mercredi. Une quantité de 400 litres de lait par jour amenée à la coopérative de collecte de lait de Gashikanwa en province Ngozi reste insuffisante vu l'effectif de plus de 2800 vaches laitières de cette commune. Pour cause, la vente ailleurs d'une importante quantité de ce produit où les éleveurs sont mieux payés, même si cette vente est illégale, indique la gérante de cette coopérative. Continuons ce journal en nous rendant à Muyinga, où des membres des comités communaux en charge de la protection sociale réclament la catégorisation de la population selon les revenus, selon le niveau de revenus. Et cela permettra d'harmoniser la politique d'assistance médicale, soit via les mutuelles de santé communautaires ou les CAM. C'est au moment où les cadres du Fonds d'appui à la protection sociale sont en mission d'explication du système de financement de la protection sociale. Les détails avec Dieudonné Nzeimana. L'appui aux personnes âgées pour accéder aux services de santé talonnaires en matière de protection sociale en province Muyinga par commune, 25 personnes âgées ont été ciblées et ont une carte d'assistance médicale dite CAM. 20 autres et par commune adhèrent au mutuel de santé communautaire. Le fonds d'appui à la protection sociale supporte les coûts, y compris la valeur des tickets modérateurs et les coûts de déplacement en cas de transfert de ces personnes. Esther Nyonizigi, point focal provincial du secrétariat national de protection sociale, affirme que la volonté est de parvenir à l'assurance des maladies universelles pour tous. D'autres programmes sont mis en œuvre dans les domaines de l'éducation, agriculture, économie solidaire. Des comités communaux de protection sociale sont opérationnels. Mardi, c'était l'occasion aux responsables des organisations déconcentrées et décentralisées en charge de la protection sociale, dont ces comités, d'apprendre le cadre de financement des activités du fonds d'appui à la protection sociale. Pour certains responsables, la confiance quant au programme alourdit les charges de l'État. Il faut une catégorisation de la population en fonction des ressources des ménages et déterminer à titre illustratif la catégorie des usagers de la carte d'assistance médicale achetée à 3 000 francs bourse seulement par an, alors que pour les mutuelles communautaires, les plafonds des